Là, des choses vraiment abjectes. La peine de Ridda, comme on en parlait là par rapport à celui des laisse la prière, donc de l'apostasie. D'accord? Aussi le chapitre du djihad, avec tout ce que ça implique, comme par exemple Al-Jizya, la capitation, ainsi que d'autres choses, qui tue, qu'on tue, qu'on ne tue pas, etc. Ainsi que tout ce qui concerne l'esclave, parce que l'esclavage est autorisé en islam jusqu'au jour de la résurrection, ça n'a pas été abrogé, jamais. Et donc, comment on se comporte avec l'esclave, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs, etc. Ainsi que tous les chapitres, Inch'Allah, qu'on trouve dans n'importe quel livre de fiqh. Barakallahu fikum. Donc ça sera une demi-heure, on va utiliser le fiqh, et la deuxième demi-heure, on va étudier, Inch'Allah, l'aqida et le tawhid. Alors, je vais pas faire usul al-thalatha parce que tout le monde fait usul al-thalatha déjà. Donc, ça refaire usul al-thalatha alors que c'est toujours fait, que ça se fait toujours, et que c'est très bien, hein, je ne dis pas tout le contraire, j'ai déjà étudié, pas enseigné, ensuite j'ai pas enseigné, mais j'ai déjà étudié, tout ça, il est très bien, je vous conseille, mais là, on va changer, et on va prendre je vais prendre, Inch'Allah, un recueil de petites épîtres de du cher Mohammed Mohab, qui sont certaines connues, d'autres un peu moins, comme par exemple Nawaqid l'Islam, les annulations de l'Islam, les 10 annulations de l'Islam, d'accord? Et At-Tarut, Mal At-Tarut, le sens du Tarut, ainsi que d'autres épîtres du cher Mohammed Mohab, ainsi que des épîtres qui s'appellent aussi le Tawhid. Donc on va étudier trois sortes de Tawhid, le Kufr, le Shirk, le Nifaq. Et on va étudier ça, Inch'Allah, avec des paroles de savants, et dedans on va parler notamment de l'excuse de l'ignorance, en citant des savants, etc. Inch'Allah. Oui, alors El-Kassani me conseille un livre de fiqh, Barak Lofi, mais là j'ai déjà cité Mukhtasar Bishujar, et le livre de Risala de El-Kairawani, Rahimahullah, qui est un des plus grands savants, notamment de Mazhab El-Malikite, mais ce n'est pas celui-ci qu'on va faire. C'est un livre très bien que je conseille aussi, mais ça va être Mukhtasar Bishujar dans le fiqh Al-Shafiri. Barak Lofi. Il y a une mise en garde en anglais, là, vous voyez? Il y a une mise en garde en anglais. Ah oui, le texte qui est en anglais? Moi, je ne comprends pas trop l'anglais. Je crois que c'est... Non, non, le texte qui vient d'apparaître en rouge, une fois j'avais fait la traduction sur Google Traduction, là, il me semble que c'est par rapport, c'est que c'est un message de mise en garde par rapport au code, comment dirais-je, comment ça s'appelle, au password. Vous savez que quand on se branche sur Pantoc, il faut marquer le pseudo, il faut marquer un code. Quand on a un code, il demande à ce qu'on n'enregistre pas le code. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut remettre le code parce que sinon, il peut y avoir du piratage. Normalement, c'est ça. Baraklofik. Quelle Risala? Oui, je sais, c'est la pure Sunna. Humilité dit, ah non, demande l'esclavage n'a jamais été aboli par l'islam, non, n'a jamais été aboli par l'islam, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est décédé et pratiquait l'esclavage, et ses sahabas pratiquaient l'esclavage, et après lui, et ça jusqu'à maintenant, même si à notre époque c'est très très peu, ça n'a jamais été aboli. Vous trouvez dans aucun mazhab, parmi les mazahim, hein, dans le mazhab Hanafi, l'école Hanafi, Maliki, ou Shafi'i ou Mohammed Ali, dans leur livre de fiqh, il n'y a aucune abrogation. Il n'y a que ceux qui renient la loi d'Allah Azzawajal qui disent qu'ils l'ont abrogée. Et notamment à notre époque, il y a beaucoup de gens qui, pour faire plaire aux mécréants, pour faire plaire à ceux qui veulent la démocratie, les droits de l'homme, bien qu'on devrait plutôt dire les droits des mécréants, que c'est eux qui ont inventé ces lois-là. D'ailleurs, c'est là qu'il me semble bien que le premier droit des droits de l'homme qu'eux, ils ont inventé, c'est quoi? C'est que tout l'homme libre naît libre et égaux, d'accord? C'est-à-dire qu'ils ont aboli l'esclavage, mais non. Allah Azawajal n'a pas aboli l'esclavage. Ceux qui abolissent l'esclavage sont des mécréants. S'ils ne savent pas, il faut qu'ils se renseignent afin qu'ils ne tombent pas dans l'apostasie. Barakallahu fikum. Alors oui, je vois que Al-Kassani, il parle de Risala encore, de Al-Karawani. Il faut savoir que Risala, au tout début de ce livre, qui est un livre de fiqh, au tout début du livre, il y a environ seulement deux pages qui parlent de la Aqida, de la croyance. D'accord? Et il parle de la Aqida, notamment des salafs. Et tout ce qu'il dit, Masha'Allah, dans la Aqida, c'est vraiment très concis. Il cite que deux ou trois versets, je ne me rappelle plus. Et il ne sort pas de hadith, c'est comme un peu l'aqida de Tahawiyya. Il dit voilà, l'aqida c'est ceci, c'est cela, etc. Et tout ce qu'il dit, c'est vrai, mashallah. Mais ça, c'est seulement que deux pages. Al-Risala, après, c'est toutes les pages d'après, c'est un livre de fiqh. Barakallahu fikum. Mais il est très bien de lire l'aqida aussi qui se trouve au tout début de ce livre, en tant que, on peut dire que, comment on appelle ça? quand on fait un livre, on met une préface, pas la préface, mais une muqaddama, je pense que vous m'avez compris. Et je pense que c'est ça qui parle de l'istiwa. Alors, j'essaie de lire ce qui est marqué. J'ai pas compris. La mise en garde, c'est pas pour nous. Ah, Ismanak, la mise en garde, c'est pas pour donner ton mot de passe. Alors, excuse-moi, je pensais parce que c'était par rapport à autre chose. Ah oui, la question. Est-il possible de prier 10 ou 15 minutes avant l'heure affichée dans les calendriers, applications, sites? Alors, le problème des horaires des calendriers, c'est que ce sont des calculs. Et que normalement, il faut chacun, ou chaque groupe, chaque communauté dans chaque ville doit lui-même aller voir et le vérifier à l'œil et dire faire à l'œil avec les calculs comme le prophète nous l'a indiqué. Maintenant, se baser seulement sur les calendriers, donc il demandait de ne pas prier avant l'heure. D'accord? Et là, on dit aussi que, par exemple, les horaires qui sont les plus répandus, c'est l'horaire par l'UOIF. Et il y a un petit problème par rapport au Fajr et au Al-Isha, car eux, ils se basent sur le 12e degré du soleil, d'accord, par rapport à l'horizon. Et en fin de compte, quand on regarde bien, beaucoup sont aperçus qu'en fin de compte, c'est un petit peu trop. Et qu'il faudra mieux aller vers le 15e, voire 17e degré. Ce qui veut dire que le Fajr, il commence avant leur horaire. En ce moment, il va commencer, moi je me rappelle bien, environ 10 minutes avant. Ce qui veut dire aussi qu'il faut, quand on jeûne, il faut arrêter de jeûner avant leur horaire. Et que pour l'Aïcha, c'est le contraire. L'Aïcha est un petit peu après, 10 minutes environ après. Je parle doucement parce que en plein été, c'est plus. Donc là, c'est par rapport à ça. Et donc, il y a des sites qui disent si la personne prend par exemple le 17e degré au Fajr et au Laïcha, il faut qu'il aille voir sur ce genre de site. Solitaire 7, l'esclavage n'est pas interdit en islam. Ouais. Repère de sagesse, 30 minutes fiqh et 30 minutes aqida. Oui. Voilà, un jour, alors pourquoi pas un jour fiqh, un jour aqidah? Voilà pourquoi, parce que j'avais pensé aussi à ça, à faire un jour fiqh, un jour aqidah. Le problème, c'est que après les gens peuvent se mélanger. Parce que comme on est la semaine, c'est impair, 7, ça sera donc une semaine, ça sera le samedi, l'aqidah, et la semaine d'après, ça sera le dimanche. Et quelqu'un qui voudra suivre par exemple que les cours de l'aqidah, il risque de se tromper. D'accord? Et en fin de compte, je trouve plus simple de faire dans la même heure. Et en plus, surtout pour le fiqh, si c'est qu'une demi-heure, les gens seront moins lassés que si je fais une heure de fiqh en entier. Surtout quand on va étudier la zakat, ça peut lasser certaines personnes. Donc une demi-heure, inch'Allah, la personne ne sera pas lassée. Et après, on fera de l'aqidah, inch'Allah. Humilité 1 dit, mais l'esclavage, c'est une injustice. Alors, si c'est une injustice, ça voudra dire, wa'iyadhu billah, que Allah azawajal a été injuste, est-ce que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a été injuste, wa'iyadhu billah. Comme je l'ai dit, l'esclavage, Allah azawajal ne l'a jamais aboli et interdit. Et même dit que c'était mal. Ni le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sachez qu'il avait des esclaves, comme c'est connu, si vous lisez une biographie, vous le verrez. Hein. Il y avait Zayd qui était son esclave, et il a accepté, Mariam, qui était une femme esclave que le roi Écope lui avait donnée, et elle était restée esclave, d'accord, et il avait donné un enfant au prophète Ibrahim, et qui est mort en bas âge, d'accord. Et comme je l'ai dit, après la mort du prophète, l'ensemble, l'unanimité des sahabas pratiquait l'esclavage, et comme c'est dans tous les livres de fiqh. Donc, dire que l'esclave est une injustice, ça voudra dire que l'islam est injuste. Et quand on insulte l'islam ou Allah ou son prophète, ça, on fait de la mécréance, faites bien attention. Alors je ne dis pas humilité 1, que c'est une mécréante, mais et là, comme j'avais dit avant, des fois une personne peut dire une parole de mécréance, mais elle n'est pas mécréante. D'accord? Il faut bien faire attention, parce qu'il faut mettre l'argument. Comme pour le hadith où il y aura une époque où les gens ne connaîtront rien de l'islam sauf la ilaha illallah, ils ne sauront même pas ce que c'est que la prière. Ils ne feront pas la prière. Et si on leur pose la question, est-ce qu'il y a une prière obligatoire dans l'islam, ils diront non. Mais ils ne seront pas mécréants parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. À notre époque, surtout par exemple qu'on est dans l'Occident, une personne qui, n'étudie pas assez pointu, de manière assez, il y a certaines choses qu'il ne peut pas savoir que d'autres personnes dans d'autres pays sauront d'une manière innée, je vais dire. Comme l'esclavage. l'esclavage est tout à fait halal. Et ce n'est pas même pas déconseillé. C'est une chose qui est tout à fait halal dans la religion d'Allah Azzawajal. Dans le Coran et dans la Sunna et dans tout livre de fiqh de n'importe quelle école. Vous le trouverez. D'accord ? Donc il faut faire attention à ça. Donc il faut, à humilité 1, il faut se repentir de ceci. Si vous ne me croyez pas, et c'est tout à fait plausible, hein, il n'y a pas de problème, ça se trouve, je suis à mon terre, il n'y a pas de problème. Allez voir dans le Coran si oui ou non l'esclavage a été interdit, dans la Sunna, et étudiez les quatre écoles. Et est-ce que oui ou non on parle de l'esclavage? Et dans les quatre écoles, dans leur livre de fiqh, ils parlent de l'esclavage, et en rien ils disent que c'est aboli, en rien du tout, mais ils expliquent comment faire et comment notamment se conduire avec les esclaves. Et d'ailleurs, il est pourtant assez connu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait comment on se comporte avec les esclaves, comment on se comporte avec notre propre famille. Donc il faut les nourrir de ce qu'on se nourrit nous-mêmes et de ce qu'il faut les habiller de ce qu'on s'habille nous-mêmes. Ça implique quoi? Ben, ça implique que l'esclavage est tout à fait autorisé. Et comme notamment, vous devez savoir, des fois il y a des kaffara, des expiations. Donc quand on fait un péché, Allah Azzawajal nous demande quoi? D'affranchir un esclave. Ça veut dire quoi? Ça implique quoi? Ça veut dire qu'il y a des esclaves. Parce que si là, l'esclavage est aboli, il n'y a plus d'esclaves, donc on ne peut pas faire ça. Donc si Allah Azzawajal nous demande qu'on fait un certain péché pour expier ce péché, il faut faire soit, il faut soit donner à manger à tant de pauvres ceci, ou soit libérer un esclave, ça veut dire qu'il y a des esclaves. Voilà. Mais c'est la torture. Non, c'est pas la torture. Alors voilà, bon, alors pour l'esclavage, j'aurais bien voulu, ça j'aurais voulu en parler quand on en fait du film, juste faire ça. C'est de la torture, l'esclavage, dans le subconscient occidental. Dans le subconscient occidental, c'est de la torture. Parce que depuis qu'ils sont jeunes, à l'école, d'accord, comme vous l'avez vécu, comme je l'ai vécu aussi, à chaque fois qu'on parle de l'esclavage, c'est la torture. C'est on va en Afrique noire, on prend les Africains noirs, on les enchaîne dans des bateaux, ils meurent et tout ça, on les envoie dans les îles en Amérique du Nord, ils sont maltraités, etc., etc. Et ils n'ont aucun droit. Ça, c'est l'esclavage de l'Occident. Ça, c'est l'esclavage de l'Occident, ce n'est pas l'esclavage comme l'a légiféré Allah Azza wa Jal. Et nous, musulmans, on est tout à fait innocents de ce comment l'Occident a appliqué l'esclavage. Barakallahu fikum. Il y a des lois. C'est interdit aux musulmans de frapper son esclave, homme ou femme, sans aucun droit. D'accord? Il n'a pas le droit de lui faire supporter plus qu'il ne peut. Il y a des lois, il y a des règles. Sachez comment on va l'étudier, Inch'Allah, qu'un homme musulman qui possède une femme esclave qui n'est pas mariée, parce que s'il n'est pas mariée, il n'a pas le droit d'avoir d'actes sexuels avec elle, si elle est mariée, mais si elle n'est pas mariée, il peut avoir des actes sexuels avec elle, et sachez que l'enfant qui en sortira deviendra libre, d'une, et deux, il portera le nom de son père, donc ça sera son fils. Ce qui n'a rien à voir avec l'esclavage des Occidentaux. Parce que les Occidentaux, donc mes ancêtres, parce que moi je suis un converti, donc mes ancêtres qui ont fait ça, ils prenaient donc les esclaves dans l'Afrique, en Afrique de l'Ouest, les Noirs, et ils pouvaient faire zina, c'est-à-dire qu'ils allaient faire l'acte sexuel avec les femmes, d'accord, esclaves, mais ils ne reconnaissaient en rien les enfants, d'accord. Et ils, bien sûr, ils les méprisaient, etc. Donc ne confondons pas l'esclavage vécu par l'Occident et l'esclavage tel qu'il est enseigné par Allah Azza wa Jal et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. L'injustice de l'esclavage, c'est ce que a fait l'Occident, pas nous. Kunta quitté, bonjour, de l'abus. Neige donc en Israël, l'esclave est un captif. J'ai pas compris pour les militaires la phrase neige donc en esclave est un captif. C'était sûr, oui, captif de guerre. Ok, d'accord, bof. Et il y a plusieurs calendriers. Oui, il y a 12, 15, 18. Et normalement, il y a 17 aussi. Voilà. Rappel, on est là. Sur Elkan, tu peux trouver dans les divers. Donc, Barakou Fikoum Smahli. Il ne nous a pas répondu. Donc voilà. Rien de mieux que de regarder Al-Fajr al-Layl. Exactement. Comme dit 1, 2, 3, Abou Mohamed.